Micro ouvert. Mokobé, du groupe 113, Mafia Quinfri, 3 millions de disques de Victoire de la Musique, chevalier de l'Ordre National du Mali. Contrôle de police, voilà. C'était un soir à Vitry-sur-Seine. J'étais avec mon ami OGB, un de mes potes d'enfance. Et donc, on marchait tranquillement sur la dalle Robespierre, dans le quartier Robespierre de Vitry. Et à un moment, j'entends « Ouais, Mokobé, Mokobé, Mokobé !» Donc on s'approche. Et très vite, on s'aperçoit que voilà, y a un contrôle de police. En fait, c'était deux gendarmes avec deux petits de chez nous. Mais ça paraissait très bizarre comme genre de contrôle. Donc on commence à s'approcher, tout ça, on demande qu'est-ce qui se passe, bien évidemment. Et t'as un des deux jeunes qui nous dit « Ouais, je sais pas, on n'a rien fait, Moko, ils sont là, ils sont en train de nous contrôler, ils veulent nous ramener au poste et tout, ils veulent nous menotter depuis tout à l'heure, ils nous font la misère. » Donc nous, voilà, comme des grands frères, bon, on avait 18-19, mais c'était des petits de 14-15 ans. On essaie de calmer le truc et tout, on leur dit « Écoutez, voilà, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe et tout, tu sais, on arrive un peu dans un style un peu... diplomate et tout ça, le ton monte très vite. Donc t'as un des gendarmes qui commence à s'énerver. « Quoi, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que... » Flap. Son calibre, il me le met sur la tempe. C'est la première fois que je me retrouve avec un calibre sur la tempe. Tu imagines, pour un jeune de 18 ans, et surtout de la part de, tu vois, des forces de l'ordre et tout, d'un gendarme. Donc voilà, il me met le calibre sur la tempe et tout, puis... Il tremble en même temps, tu vois, donc tu te dis, le coup, il peut partir à tout moment. Il est là, qu'est-ce que tu veux? Y'a quoi? T'as quoi, toi, Bamboula? Y'a quoi? Y'a quoi? Tu vas l'ouvrir encore? J'essaie d'être zen, je te dis la vérité. Sa mère, OGB, en est témoin. J'ai pas fait pipi sur moi, j'ai gardé mon calme, je me suis dit, cool, ok. Je lui dis, calme-toi. Et au fur et à mesure... Il retire un petit peu son pistolet, toujours, il l'a toujours dans la main, il retire son pistolet. Et puis on s'aperçoit très vite qu'ils étaient bourrés. Ils étaient bourrés parce que voilà, déjà l'odeur, même ça fabulait, c'était bizarre. C'était vraiment bizarre. Donc à un moment, ils ont eu un moment d'inattention. On s'est dit, voilà, à trois, on taille. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre option. On sentait que le truc ne pouvait pas se calmer. Donc on attend. Au moment précis, voilà, on repère le... Il y avait un des petits qui était déjà dans la voiture, l'autre il était encore à l'extérieur. On compte 1, 2, 3. Oji, il ouvre la porte, le petit court, moi je tire le petit, on court. Et à ce moment-là, on a senti vraiment une haine, mais incroyable. Pour nous, c'était foutu. On allait se faire attraper. Ça allait dégénérer pour nous. Donc, on commence à courir. Donc, je tape mon meilleur sprint à la Usain Bolt et tout. Mais vraiment, tu vois, je m'applique. Je cours de toutes mes forces et tout. On court. Et derrière, les gendarmes sont en train de courir, toujours le calibre à la main. Et en nous insultant, mais vraiment de tous les noms. Bande de bâtards, vous allez voir, tu vas voir, négro. Et tout ça et tout, donc on court. Il y en a un qui se cache en dessous d'une voiture, moi j'arrive à esquiver, incroyable et tout ça. Et voilà, donc et on l'a échappé belle. Mais il n'y a pas un moment dans ce contrôle où j'ai senti qu'il y avait une place pour la diplomatie. Aucune place, aucun dialogue. C'est soit tu vas au poste avec des bleus menottés, ou soit t'as la chance de courir, d'esquiver ça, malheureusement. On se trouve, on peut le dire, ouais, à Anderlecht. Je me retrouve en face de Nordine Saïdi, qui... fait partie de Bruxelles Panthère, mais tu vas nous dire. Et moi, j'avais envie de te rencontrer parce que tu as écrit un article que je trouve super intéressant et que ben ça doit se partager, quoi. Voilà, sur il y avait le corona, comment ça se vit d'un quartier à un autre. Il y avait aussi le récépissé, par rapport au contrôle de la police. Il y avait les violences policières. Voilà, on démarre. Qu'est-ce que tu as envie de dire toi sur toi, par exemple, Nordine? Qu'est-ce que c'est Bruxelles Panthère, par exemple? En tout cas, déjà, merci pour ton intérêt sur les questions que tu as dit qui t'intéressaient. Me présenter, je suis bruxellois, fils d'immigrés, militant sur les questions sociales et internationales depuis une vingtaine d'années, et membre de Bruxelles Panthère qui lutte plus spécifiquement sur les questions raciales, comme pour résumer la chose, pour nous la question sociale est raciale. Ouais, ça demande à la question sociale et raciale, ça veut dire quoi en gros? Ça veut dire qu'on analyse un petit peu toutes les situations, comme le feraient les féministes d'un point de vue d'une femme. Nous, on analyse notre situation d'un point de vue racial, donc on pose la question raciale de pourquoi on est plus nombreux en prison, par exemple, alors qu'on est une minorité dans ce pays. Comment ça se fait que ce sont les Noirs et les Arabes qui sont majoritaires au chômage? Donc on pose la question d'un point de vue racial. Tu l'as évoqué, les violences policières. Comment se fait-il que les Noirs et les Arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler et tuer par la police? Donc toutes ces questions, elles nous permettent de sortir un petit peu, au lieu de tourner en rond, l'angle racial nous semble plus pertinent pour en finir avec ces questions d'injustice. Oui, en plus, toi, je dirais que tu le vis en ligne directe, tu le vois ici, dans les quartiers, ça fait plein d'années, parce qu'il y a eu le mouvement Black Lives Matter, c'est comme ça qu'on dit? Oui, effectivement, mais... Oui, ça fait plein d'années, en fait, que vous soulignez ça, que l'État est raciste, parce que c'est ça aussi, quand on dit la question raciste sociale, je trouve que, de mon point de vue, c'est plus clair si on dit que l'État est raciste, quoi. C'est peut-être plus choquant, plus direct, mais c'est... Non. Nous, on ne dit pas que l'État est raciste. On dit, par contre, qu'il y a un racisme d'État. C'est quoi la différence? La différence, c'est qu'il y a des lois, qu'il y a des lois qui s'appliquent spécifiquement sur des personnes, par exemple, à double nationalité, la déchéance de nationalité, les expulsions. Donc, il y a tout un système de justice qui est raciste. C'est du racisme systémique. Donc, peut-être que viendra un moment, on dira que c'est un État raciste. Mais pour l'instant, on parle de racisme d'État ou de racisme institutionnel. Et voilà, peut-être que le temps nous donnera tort ou que l'évolution, elle se fait naturelle entre un racisme d'État vers un État raciste, ce qui est plus difficile à assumer normalement. Oui, c'est vrai, c'est plus cash, quoi, quelque part. On se cache plus derrière. Tu vois, un petit, enfin, on s'en fout, c'est sémantique, hein, mais voilà, moi, je trouve que... Oui, c'est sémantique, bien sûr. Mais aujourd'hui... on n'a pas encore la... imaginons la... Si, on peut dire que la Flandre est un État raciste. Mais que la Belgique applique du racisme d'État et racisme systémique. Interdire la plage à des racailles bruxellois, c'est comme des plages à Durban en Afrique du Sud où il y a white only. Voilà, c'est un petit peu ça la différence. Ici... on est dans un État trop hypocrite que pour avoir des lois spécifiquement racistes. Par exemple, on n'a pas une loi spécifique qui interdit le port du voile. Il y a des décrets, des ministres, des héroïdes, mais il n'y a pas de loi qui interdit le port du voile, par exemple. Ouais, et en même temps, ça discute, quoi. C'est ça qui est dingue aussi, quoi. Il y a toujours envie d'aller titiller cette histoire de voile. Bon, c'est... Tu vois ce que je veux dire? Oui, si ça titille, ça veut dire qu'il n'y a rien de clair. Et s'il n'y a rien de clair, c'est parce qu'il y a une grosse partie de la population qui trouve que c'est une injustice. Et la Constitution lui donne raison. Mais les faits, tous les jours, lui donnent tort. C'est ça qui est un petit peu difficile à vivre. Par contre, je rebondis sur la... que ça fait quelques années que Bruxelles Panthère s'intéresse aux questions de racisme d'État. Entre nous, souvent, quand on se dit « t'as vu le rappel que t'as eu sur Facebook ?» Parce que Facebook rappelle des fois des événements, ça fait 10 ans que... Et on se dit « c'est hallucinant, on a l'impression que ce qu'on faisait il y a 10 ans, c'est le truc qu'on a fait la semaine passée. » Donc effectivement, Black Lives Matter, on a en tête la manifestation... à la place Poulard, mais bien Black Lives Matter, il y avait eu un rassemblement devant l'ambassade des États-Unis en 2016, par exemple, où les questions du voile, où les questions de violence policière, c'est pas il y a 10 ans qu'on s'y intéressait, nous, que ça existe. C'est, je pense que chaque Noir, chaque Arabe qui est né ici en Belgique, le racisme, il a vécu... Et j'aime bien dire à Saint-Pierre, la première claque qu'il a reçue de l'infirmière, c'était pour le faire pleurer. Et la deuxième, c'était pour lui dire « tais-toi ». Et plus sérieusement, le racisme, on l'a vécu au plus tard à l'école primaire. Donc je crois que si on est un petit peu honnête avec nous-mêmes, et qu'on veut, ça fait des fois mal aussi hein, de dire qu'on vit depuis 40 ans, depuis qu'on est gosse, on vit du racisme. Et en fait, on aimerait bien faire que ça ne soit pas vrai, parce que souvent, les gens de ma génération, maintenant, on a des enfants et on a grandi en se disant « ben ouais, c'est nous, mais nos enfants, ça sera fini ». Ben non, on voit que nos enfants, s'ils s'appellent Adil ou Mehdi, ils peuvent se faire tuer par la police. Ce qu'on aurait pu imaginer pour nous quand on avait entre 15 et 20 ans, par exemple. Et quoi, tu trouves... Après, on abordera plus l'article aussi, hein, parce qu'on parlait aussi du corona, la différence des quartiers. Mais tu crois que ça avance positivement ou ça avance négativement, en fait, puisque tu parles du nord de la Belgique. Comment tu ressens les choses? Est-ce que c'est positif, tout ça? Est-ce qu'on avance ou bien on recule, quoi? Moi, j'aurais tendance à dire que ça s'accentue, en fait. J'ai l'impression que c'est jamais une histoire qui est réglée pour toutes. Et chaque fois, c'est un combat à mener entre ces pôles de racisme, pas racisme. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Est-ce qu'on avance ou est-ce qu'on recule? Tout ça, c'est des questions de point de vue, en fait. Hein. Selon moi, je marche au jour le jour et je vois vers où on va. Encore une fois, dire que c'est pire aujourd'hui que hier, je vais de nouveau faire... Non, je disais pas pire, hein, mais est-ce que non, tu non, trouves que ça bouge, quoi, que... D'un point de vue du racisme, par exemple, quand tu dis ça s'accentue, c'est de ça que j'ai compris. Hein, est-ce que c'est plus raciste aujourd'hui parce qu'il y a la NVA, il y a plus, on entend plus les... Disons que ça reprend des relents du passé qui étaient beaucoup plus hard, quoi. Tu vois, j'ai l'impression que ça se met en place là, à petit. Bah justement, ce que pour moi, c'est pas qu'on régresse ou qu'on avance. Pour moi, j'ai 42 ans, donc on va compter depuis 42 ans, la Belgique n'a jamais été gouvernée par un gouvernement spécifique d'extrême droite. Jamais. Ça a plutôt été des socialistes et des libéraux qui se sont refilés la balle depuis 40 ans maintenant. Et les catholiques et les socialistes, mais jamais l'extrême droite en tant que telle. Pourtant, depuis 40 ans, il y a... des expulsions, des rafles, des déchéances de nationalité. Et donc, d'un point de vue, de mon point de vue, le racisme, il est le même, il évolue comme la société évolue. Et si ça peut régresser, je peux comprendre que pour un blanc, en fait, ça régresse. Parce que... quand le fascisme, je pense que c'est Aimé Césaire qui dit ça dans Discours sur le colonialisme, qui dit que quand le fascisme sévissait hors de l'Europe, c'est-à-dire en Afrique ou dans les Indes, et qu'il appliquait des procédés qu'il a appliqués aux Juifs en Europe, ça ne nous tracassait pas trop. Mais quand c'est arrivé, que des blancs exterminent d'autres blancs, là, ça a posé réellement question. Donc on en est un petit peu à ce point de vue-là. Je pense que je n'oserais pas dire à des jeunes des années 80 à Schkarbeek avec un bourgmestre raciste, une police totalement raciste, ou à mes frangins qui avaient 20 ans dans les années 80 avec les polices racistes à Bruxelles, que c'est pire aujourd'hui. En fait, c'est pas que c'est pire aujourd'hui, c'est que c'est peut-être plus visible. Et donc, s'il y a eu évolution, elle est naturelle, en fait. Moi, je ne suis pas un immigré. Donc, je ne vois pas pourquoi je n'en parlerai pas ou pourquoi je ferai moins de bruit. Et donc, je pense que ce soit rendu public, c'est ça qui a changé. Mais le racisme, il a évolué et bien, comme il le fait, comme le fait la société. Il n'y a que les partis de gauche qui n'ont pas compris que l'extrême droite évolue avec son temps. Parce que l'extrême droite est là et elle ne tient plus les mêmes discours que dans les années 30, mais la rhétorique est la même, en fait. Oui, moi je dirais que la rhétorique est différente, mais en dessous, c'est la même chose, quoi. C'est ça, quand tu parles de l'extrême droite... Elle tient des discours limite compliqués. Enfin. Moi, je pense que l'extrême droite, quand je disais qu'elle n'a jamais été au pouvoir, et pourtant, je parle de racines d'État, c'est que l'extrême droite, depuis les années aussi. Dissolution du Vlaams Belang, on pense que c'est la fin, ou Vlaams Blok, c'était, on pense que c'est la fin de l'extrême droite, comme si on combattait des idéologies en interdisant un parti. Et donc, les partis traditionnels, en gros, ont appliqué une bonne dose du programme de l'extrême droite, sur les expulsions, sur les frontières, sur la sécurité sociale, sur... Oui, carrément, quoi. Donc, quoi de mieux que d'avoir son programme appliqué sans devoir forcément gouverner. Ouais. C'est important ce que tu dis là, hein, vraiment. Mais abordons ton article. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est que les gens captent que dans Bruxelles, puisqu'on est dans Bruxelles, quand on parle par exemple du corona, ben, on ne le vit pas de la même manière. Il y avait ça, j'aimerais que tu développes aussi, tu vois, comment, qu'est-ce que tu as envie de dire quand tu dis ça, en fait. Ça raconte quoi quand tu dis ça ? Très vite, en fait, quand a surgi le corona et le confinement, je crois que on était confinés le 15 mars parce qu'il y avait le week-end sur les violences policières qu'on n'a pas fait. Donc le 30 mars, si ma mémoire est bonne, le 30 mars, pour Bruxelles Panthère, j'ai écrit un papier qui était sur la violence policière et le confinement, parce qu'il s'était passé une altercation à Schkarbeek. Et donc ça m'avait un petit peu lancé en me disant, mais je vais écrire un truc maintenant, parce que sinon je vais l'écrire dans la semaine prochaine, dans 2 semaines ou dans 3 semaines. Mais c'est sûr que ce papier va devoir être écrit. Et c'était sur aussi très vite sur la question... poser une question raciale sur le traitement du Covid. Et donc, il ne fallait pas pour moi être un grand sociologue que pour se rendre compte que les 5 communes les plus pauvres de Belgique se situent à Bruxelles, c'est celle qu'on appelle du croissant pauvre, et qu'effectivement, dans le croissant pauvre, je pense que la réalité me donne raison, que les contaminés et les morts seraient plus nombreux. Et pas juste parce qu'ils sont noirs et arabes, c'est un, parce qu'on est calfeutré à 6 ou à 7 dans des appartements sans jardin, mais pas que, parce que c'est aussi un piège de rester que sur la question de nos logements, parce qu'on peut aussi sortir à l'extérieur, en fait, c'est là qu'on risquerait la limite le moins. Mais justement, avec les questions de confinement, l'interdiction de sortir à l'extérieur, donc... Les questions de contrôle aux faciès qui n'ont pas surgi pour nous avec le Covid, tout ça m'a vite fait comprendre qu'il y aurait une question importante durant le confinement, c'est la question des violences policières, la question de la santé mentale de nos enfants, mais aussi des couples et la santé alimentaire, je veux dire, parce que très vite, j'ai vu que ici, dans le quartier, à peine, donc pour situer Anderlecht, il y avait 3 lieux sur un petit, donc que de mon quartier, hein, au Mal, où il y avait des distributions alimentaires avec de la file. Donc, il faut s'imaginer la même chose dans d'autres quartiers. Et on l'a vu dans des vidéos que ça se passait dans d'autres quartiers. Je me suis dit, ben voilà, c'est pas possible de ne pas porter une question raciale sur cette situation. Et effectivement, en posant un point de vue racial, je me dis, ben, on est dans les quartiers les plus pauvres, les plus densément peuplés, ceux dans lesquels les gens n'ont pas forcément de jardin et de grands espaces, mais aussi où mon pote est facteur et n'a jamais été confiné. Mon frère est stibar et n'a jamais été confiné. Mon autre pote est à Bruxelles Propreté et n'a jamais été confiné. Et donc, mes voisins, il y en a très peu qui ont été confinés. Dans les quartiers populaires, très peu travaillent dans des boîtes où on peut se permettre de faire du télétravail. Donc, très vite, je me suis dit, il y aura plus de Noirs et d'Arabes qui vont mourir. Franchement, dès le 30 mars, hein, comme je le dis, je me dis, ben, je vais prendre le risque. Je pense que c'est ça, parce qu'il faut oser quand même se dire, il y aura plus de Noirs et d'Arabes qui vont clamser. Et malheureusement, l'histoire, je crois que quand on analysera les chiffres plus sérieusement, on se rendra compte que c'est pas juste que c'est dans les quartiers pauvres du croissant pauvre de Bruxelles que les gens meurent, qui est très on nomme pas les choses là comme ça, mais qu'on se rendra compte que ce sont des femmes noires principalement infirmières et des jeunes arabes qui travaillent dans les caisses des supermarchés et on se rendra compte justement que les pauvres, parce qu'on dit ouais, c'est une question de classe aussi. Je veux bien, mais c'est surtout pour, comme je vous l'ai dit, une question de race. Parce que si c'est une question de classe, qui sont les plus pauvres encore? Et la question de classe, elle n'évacue pas la question du racisme. Donc voilà, tout ça m'a fait vouloir écrire sur le confinement à Bruxelles, qui, pour moi, il me semblait logique, avec tous ces ingrédients, il allait se passer des violences policières. Et je vais être honnête, elles ont été plus dramatiques que ce que j'imaginais. Je pensais qu'on allait avoir des sales contrôles d'identité, mais on a eu plus que ça, malheureusement, dont la mort de Adil, que Dieu ait son âme. Ouais, c'est une sale histoire en plein confinement. Et comment... Ça va ? Ouais, très bien. Non. Et parce que Adil, tu dis ? Parce que le confinement, c'est pas parce que pendant le confinement. C'est ça aussi le piège. Ce n'est pas que voilà. En période de confinement. Le confinement ne fait que voilà, voilà. Et a mis une loupe. Mais la question, justement, d'avoir cette thèse d'écrire qui va se passer des violences policières, c'est que ça part d'une expérience où tu te dis, c'est pas possible que ça se passe comme ça tout le temps et que là, ça va se passer différemment. Donc, c'est juste une continuité. Et le confinement, il permet de mettre un focus sur ça. Mais c'est pas en période de confinement que la jeunesse des quartiers populaires, les quartiers pauvres de Bruxelles, sont en difficulté ou en malaise face à la police. C'est constant, ça. Mais tiens, ça me vient une question. Avec toi, avec d'autres, hein, qui sont là-dedans, dans ces questions, à bien observer, analyser les situations, etc., qu'est-ce qu'il en est par rapport aux autres gens, aux gens qui font de la politique ou pas, ou qui sont militants et qui sont normalement, entre guillemets, de votre côté, est-ce que tu sens qu'il y a une aide, est-ce que vous vous mettez ensemble, est-ce qu'il y a un mouvement fort par rapport à ça, ou bien tu trouves que c'est dur, au fond, parce qu'on se bat depuis plein d'années pour dénoncer tout ça, et au fond, il n'y a pas grand monde, même au niveau politique, hein, qui aide à mettre ça en place. Je pense aux récipicés. Ouais, c'est nouveau, ça, ce récipicé. Mais sur les différents collectifs, le monde politique, associatif, pour moi, je ne juge pas sur... ils prennent position. Bruxelles Panthère fait son taf. D'ailleurs, on se répète, on n'est pas original depuis 10 ans. Notre ligne, elle est la même. Donc, la question du récipicé... Non, mais ce que je veux dire, 2008, Nordine, on parlait du récipicé. Nordine, je veux dire, par exemple, si c'était un blanc en période confinement, ça veut dire, pourquoi je dis ça, confinement, ça veut dire qu'on, voilà, en gros, on est tous là sur nos smartphones à checker un peu la vie, tu vois, on est très en lien comme ça avec tout l'Internet, les machins. Si c'était un blanc qui était mort avec les mêmes circonstances d'Adil, tu vois, est-ce que ça prendrait, tu vois ce que je veux dire, est-ce que vous sentez pas ça aussi dans votre action, dans votre collectif, de dire... Ça, je te réponds très, très facilement, mais c'est encore une... C'est pas la vérité, c'est ma vérité, c'est ce que je suis persuadé. C'est que si Adil s'appelait Alain, ou que Maouda s'appelait Martine, et qu'ils étaient tous les deux blancs, je pense pas que les réactions auraient été la même. Si Martine, de 2 ans, s'était fait tuer sur l'autoroute... parce que son papa l'a enlevé et qu'il était sous et qu'on a voulu l'arrêter par tous les moyens nécessaires et qu'on a trouvé que le meilleur moyen, c'était de tirer et que la petite Martine serait morte. Je pense qu'il y aurait une indignation dans tout le pays. Le ministre de l'Intérieur aurait démissionné, le policier serait inculpé, le roi aurait reçu la maman de... la petite Martine en lui disant ses condoléances et là tout le monde aurait été d'accord que on ne tire pas sur un véhicule pour l'arrêter. Ben pour la petite Maouda, on a posé la question de oui, mais pourquoi le chauffeur ne s'est pas arrêté, il n'y a pas eu de démission de ministre, le policier n'a pas été inculpé, et Maouda a 2 ans. Adil est aussi un mineur qui se fait poursuivre par la police, percuté sur un scooter à 200 mètres de chez lui. Si on était à Waterloo et que Alain avait fui la police parce qu'il avait un petit paquet d'herbe sur lui et qu'à juste titre, il a eu peur de la police et qu'il fuit et qu'il s'était fait renverser même par un autre véhicule que celui de la police sur la chaussée de Waterloo, ça aurait créé une émotion beaucoup plus que pour celle de Adil. Ça, c'est ce que moi, je pense. Après, on pourra me dire, mais non, tu te trompes totalement. J'espère me tromper, personne ne peut me le démontrer. Oui, mais c'est ça, moi, comment pas... démontrer ça, tu vois. Je te dirais... Mais toi qui es dedans, tu peux dire, oui, mais regarde, les jeunes qui meurent ici, par exemple, à Bruxelles, c'est tous des noms, Maouda, c'est Adil. Voilà. On n'entend pas de Martine ou de Alain qui meurent. C'est aussi énorme ça, quoi. C'est deux poids, deux mesures. Ça peut être révoltant, ça peut être... Ça crée de la rage aussi, ça, quoi. Bon, il n'y a pas de certitude, mais en même temps... Non, la certitude que les Noirs, les Arabes ont plus de risques de se faire tuer par la police, comme des études ont été faites maintenant. Donc, c'est plus moi qui le dis, c'est des études sérieuses qui constatent que les Noirs, les Arabes ont 20 fois plus de risques de se faire contrôler par la police. Ce qu'on ne sait pas démontrer... c'est qu'est-ce qui serait arrivé si ce n'était pas un Noir ou un Arabe. Ben, comme il n'y a pas de preuves, il y a juste des appréhensions. C'est quand même inquiétant que tous les Noirs et les Arabes de Bruxelles, la plupart vous diraient la même chose que moi. Alors si on se trompe tous, c'est qu'on a vraiment tous des drôles d'appréhensions. Et donc, en fait, cette vérité de fait, de sondage, je vais dire, est-ce que tu penses que si Alain avait été tué par la police, ça serait la même chose que Adil, un noir, un arabe des quartiers populaires, je vous assure qu'il vous dirait, mais ta question, tu te fous de ma gueule ou quoi? C'est sûr que pour Alain, ça ne se passerait pas comme ça. Ça, dans 80% des cas, je suis gentil, ça se passerait comme ça, y compris les mamans, y compris les papas. Et donc, rien que ça, ça devrait être inquiétant. Et donc, rien que ce sentiment, même s'il n'est pas vrai, parce que certains parlent de sentiment de contrôle au faciès ou de sentiment d'un... Donc, même si ce sentiment n'est pas juste, c'est quand même inquiétant de voir qu'une large partie de la population, la plus pauvre, noire et arabe, a une mauvaise perception de la police, par exemple. Il faudrait travailler à ça. Ben donc, essayons, là on est à 26 minutes, 30 quoi, allez, un gros quart d'heure encore. Et ben, essayons de rentrer dans le récépissé, là. Donc c'est le contrôle au faciès qui a mis en évidence, avec le corona, la mort d'Adil, genre le ras-le-bol, il faut faire quelque chose, quoi. C'est ça ? Comment ça s'est passé, cette discussion par rapport à ce récépissé ? Peut-être on en parlait déjà depuis longtemps. Parce que tout à l'heure, j'en avais parlé. Quand Bruxelles Panthère se répète, 2008, on a parlé et proposé, parce que c'était des élections, la question du récépissé. Donc la question du récépissé, nous, on la porte depuis, 10 ans minimum. Donc, quoi, on vous entend jamais, quoi. Ben si, 10 ans après, maintenant, je constate... T'es positif, toi, 10 ans après, ouais. Oui, je suis positif. Je suis peut-être pas positif, mais j'ai le temps. J'ai 20 ans, j'ai 30 ans, j'ai 40 ans. Je sais que la lutte, elle sera pas courte. Donc, j'ai toute ma vie, espérons qu'elle soit le plus longue possible. Donc, si on doit attendre 10 ans et se battre 10 ans sur chaque... sur chaque question de justice, on se battra 10 ans, même 20 ans. Et ça me fait penser à Ali Arras, 12 ans. Voilà, donc on se bat, on lâche pas, et les victoires arrivent. Ali Arras, la question du récépissé maintenant qui a 10 ans, la Ligue des droits humains revendique la question du récépissé. Le PTB aujourd'hui revendique la question du récépissé. Différentes organisations de jeunesse parlent de récépissé. Et donc tout ça, c'est très positif. Et espérons que ça voit le jour, parce que quand il verra le jour, on viendra avec ses limites. Parce qu'on sait aussi que le récépissé, c'est pas... Mais rentrons, qu'est-ce que c'est un récépissé ? C'est pas la solution qui va arrêter les violences policières. Le récépissé, en fait, nous, on est pour l'interdiction du contrôle. La question, elle est simple, c'est interdire le contrôle d'identité. Il n'y a aucune légitimité à ne plus avoir la maîtrise de son propre corps, en fait. Être en face d'un policier et être libre d'être palpité, mettre les mains contre le mur, devoir répondre à des questions pour aucune raison. Donc, comme ce n'est pas audible, la question de l'interdiction des contrôles d'identité, on vient avec la question du récépissé. Donc, on comprend qu'on ne peut pas interdire les contrôles d'identité. Si on ne peut pas les interdire, par contre, on peut les baliser. Si le policier me contrôle, c'est qu'il a certains éléments qui lui permettent de me contrôler. C'est parce qu'il y a eu un incident, un meurtre, un vol, quoi que ce soit, avec un jeune qui a des cheveux courts, un t-shirt noir, un jean, c'est des baskets de rouge. Et je corresponds au signalement. Donc, le policier m'arrête, me contrôle et me remet un récépissé qui m'a contrôlé à cette heure-là. Pourquoi alors ? Le pourquoi. Ce qui fait que si une autre patrouille ensuite me contrôle, je peux lui sortir le récépissé en disant « J'ai été contrôlé par vos collègues, voilà, et c'est bon, c'est en fini. » Ou me recontrôle et donc me resoumet un récépissé. Où le jeune ne dit pas qu'il a été contrôlé par une patrouille précédente et collectionne ses récépissés et peut, après, prouver en fait, qu'il a été contrôlé 4 fois sur la semaine ou Où, c'est ça l'idée aussi, quoi, c'est de dire... C'est ça aussi, tout... l'idée, c'est de montrer que... Très franchement, l'idée, elle n'est pas de, d'objectiver la, les contrôles, parce qu'on on le sait, encore une fois. Très honnêtement, l'idée, elle est de surcharger la charge administrative du policier pour l'empêcher de faire un excès de zèle. Mmh. Donc, devoir remplir des papiers pour une connerie, il faut vraiment être chiant que pour le faire et aller contrôler des gamins juste parce que je m'emmerde et qui... que j'ai envie de les contrôler, on ne le fera plus. Par contre, c'est pour ça que je dirais, j'interviens directement sur les limites, c'est y a des flics qui vont continuer à contrôler et ne pas donner de récépissé. Ah ben non, non, dans ton plan, non, ça ne peut pas. Ah ben si, parce que la police ne va pas changer du jour au lendemain et vont donner des tartes à ceux qui contrôlent et vont leur dire « Dégage, qu'est-ce que tu me parles de ton récépissé ?» Donc ça va continuer à exister. Donc l'importance aussi aujourd'hui est, et ça prend de plus en plus d'ampleur, c'est de filmer la police. Filmer la police est permis. Filmer la police est permis, même quand on n'est pas journaliste. Filmer la police et diffuser les images est permis quand l'acte qui est commis, donc filmer un acte grave, est plus important en fait que de préserver l'anonymat d'un bourreau. Donc on peut filmer et diffuser les images. Et je rajoute, il y a le tribunal de Bruxelles, dans le cas de Zine, du procès Zine TV, a confirmé qu'on peut diffuser les images sans les flouter. Donc, il est très important à tout un chacun de quand on est témoin d'un simple contrôle d'identité, en fait, de filmer, ce qui permet de faire... quand il y a plusieurs appareils photo, ça permet de sauver une vie ou de... Ou de raccourcir un contrôle d'identité. Et voilà, s'il se passe bien, les gens, ils s'en foutent. Ils vont effacer leurs images et puis basta. Mais un policier en fonction n'est pas un citoyen. J'ai entendu ça aussi dans une dernière vidéo où justement, le policier dit à la personne qui filme, « Ouais, mais t'es pas journaliste. » Il dit, « Oui, mais je travaille à RTBF, comme si c'était un argument. » Soit... Et il lui dit, ouais, ben moi aussi je peux te filmer. Ben non, monsieur l'agent, toi, tu n'as pas le droit de me filmer normalement. Si, tu peux me filmer dans ton intervention. Oui, tu peux me filmer, de toute façon, moi, j'ai rien à quai. Avec son GSM privé. Non, il n'a pas à me filmer avec son GSM privé, le policier. Il peut me filmer avec un GSM de service qui serviront à la police. Ça, oui, j'ai aucun souci sur ça. Mais un policier n'a pas le droit de me filmer avec son GSM privé en intervention. Ou de me prendre en photo avec son GSM privé en intervention, à moins que les images ne servent que professionnellement. Mais alors, pour ça, il faudrait un outil de travail qui soit professionnel et qui soit aussi sécurisé, quoi. Mais tous les citoyens ont le droit de filmer la police quand il fait son travail, parce que ce n'est pas c'est un agent, c'est un fonctionnaire public, quoi. Et quoi, et le récépissé? Ça va se mettre en route, ça va mettre du temps, c'est ça que je comprends. Mais c'est possible, quoi. Ça va se mettre en place. Ça en est où, ça? Ben, très souvent, en fait, dans les discussions, on dit « Ouais, mais tu proposes quoi concrètement, Nordine ?» Très concrètement, ça coûterait 0 franc, déjà, de partir, d'interdire les contrôles. Donc, partir sur cette base-là. Donc, que la police, en interne, disent qu'ils instaurent le récépissé, oui, mais que les militants et les associations comme la Ligue des droits humains partirent sur interdire les contrôles d'identité, ce qui est notre souhait, et puis prenons le temps de le baliser. Si vous n'êtes pas pour l'interdiction du contrôle d'identité, ce qu'on souhaite, balisons-le. Avec le récépissé, ça ne coûte rien non plus. Quoi, vous êtes en négociation, vous discutez comment ça se passe? Ou bien on a lancé l'idée et puis voilà, on ne sait pas trop où elle est maintenant Nous, on négocie avec personne. Hein. On balance nos idées et on milite surtout contre les contrôles abusif au faciès sur les jeunes et les moins jeunes dans les quartiers. Parce que c'est aussi, hein, c'est les jeunes, c'est pas les jeunes, hein, les mecs qui ont 40, 45 ans, ils sont plus jeunes, ouais. Et pourtant ils sont tout aussi potentiellement plus contrôlés que le mec de 40 ans blanc. Moi, j'ai une bonne anecdote là-dessus. J'étais avec un ami africain, congolais. Et moi, je regardais si j'avais bien ma carte de banque. Et lui, regardez, il regardait s'il avait bien sa carte d'identité. Je trouve ça excellent, quoi. Ouais, maintenant, c'est une anecdote qui nous est tous arrivée. C'est excellent, tu vois. Moi, je suis pas... Tu comprends tu vois le décalage. Moi, j'ai toujours appris de sortir avec ma carte d'identité. Mais je sais que mon pote Fabrice ou... Ouais. Mais tu vois le décalage. Il n'a pas appris à sortir avec sa carte d'identité. Et donc si tu te dis, est-ce que je trouve que ça dit tout, tu vois. D'identité. Ça dit tout. Hein. Ouais, ça dit tout, bien sûr. Donc encore une fois, quand tous tes amis noirs ont cette appréhension de se dire merde, je suis sorti sans ma carte d'identité, même s'ils n'avaient pas à avoir cette crainte. C'est quand même étonnant qu'ils ont tous cette crainte. Donc, c'est trop facile de se dire qu'ils ne devraient pas avoir cette crainte. Ouais. Ouais, mais c'est surtout que ça ne vient pas de nulle part. Ça vient pas de nulle part, ça vient pas de nulle part, quoi. Bien sûr, ça ne vient pas des films qu'on regarde. Ouais, ça vient de notre vie. C'est ça. Et donc, des mesures concrètes qui ne coûteraient rien, l'instauration du récépissé, si ça demande des moyens, mais... On commence à en parler, mais ça aussi, on en parlait depuis pas mal d'années. La question de la body cam. Mais j'insiste très fortement, la body cam n'est pas juste une caméra sur un fonctionnaire de police. C'est une caméra, mais aussi avec le son. Le son est très important, parce que le son, il permet d'entendre aussi, pas que les insultes de la personne qui se fait contrôler, mais elle permettra aussi d'entendre pour comment on en est arrivé. Donc la caméra et le son sur l'agent de police, mais aussi la caméra et le son dans les voitures où en fait il y a beaucoup, dans beaucoup de situations, les violences policières se passent entre l'arrestation et le commissariat. Donc dans les voitures et dans les camionnettes de police, il faut également des caméras et des micros. Et dans les cachots, vu qu'on a encore vu il y a 2 ans, mais les images apparaissent juste maintenant, qu'on peut se faire tuer. Mais Jonathan Jacob aussi à Anvers, il y a quelques années, nous a montré qu'on peut se faire clairement assassiner dans un cachot, quoi. Et tiens, on arrive à la fin. Sauf si tu vois des choses que tu as envie de dire, hein, vas-y, pas hésiter. Mais il y a le collectif Adama Traoré, je sais qu'il bouge super bien en France. Vous sympathisez avec eux ou vous avez envie de créer des liens ou bien pas forcément parce que je sais que ça prend aussi bien de l'ampleur, quoi, toute leur histoire. Hein. La sœur et les frères qui tiennent bon. Oui, mais on suit et on soutient bien entendu la famille Traoré par le collectif Urgence Notre Police Assassine. En fait, historiquement, en France, il y a le collectif Urgence Notre Police Assassine qui a été créé avec la Amal Bentounsi, qui est la sœur de Amin Bentounsi, qui a été tuée par la police d'un tir dans le dos. Et donc, qui a monté le collectif Urgence Notre Police Assassine, qui a lancé une application, justement, Urgence Violence Policière, qui permet, en fait... de filmer et que les images aillent directement sur une banque de données, ce qui fait que si le policier casse ton GSM ou prenne ton GSM, les images sont sauvées par le collectif Urgence Notre Police Assassine et ils les remettent aux personnes qui en font la demande. Et donc, bien entendu, moi, je pense que la question qui se pose pour le futur, c'est de s'organiser d'un point de vue européen sur la question des violences policières. Donc, parce que ce soit Bruxelles, Paris, Marseille, Amsterdam, Londres, l'Allemagne, toutes les grandes villes en Europe dans laquelle il y a une forte immigration sont concernées par les questions de contrôle aux faciès, meurtre par la police et chasse aux migrants. Donc mon souhait ou mon projet en tout cas, ça serait de lancer une initiative européenne de lutte contre les violences policières. Et je dis mon souhait parce que pour moi, il y a une seule personne qui peut faire ça aujourd'hui vraiment. Et donc j'espère qu'elle entendra ça. C'est Amel Bentounsi du collectif Urgence Notre Police Assassine qui... C'est la sœur de quelqu'un qui s'est fait tuer contre la police, qui a lutté de longues années contre ça, qui a obtenu justice, qui a poursuivi ses études et qui fait des études de droit, qui a pas lutté pour son frère, mais qui lutte contre tous les morts qui s'accumulent en France et qui lâche rien pour chaque cas. Donc, qu'Amel Bentounsi soit de l'initiative de lancer une grande campagne européenne contre les violences policières, ça serait mon souhait pour l'année à venir, quoi, les années à venir. Quoi, tu lui as déjà proposé, demandé, vous avez déjà discuté de ça ou tu lances un appel comme ça? Non, c'est un appel que je lance plusieurs fois, c'est pas la première fois, donc faut attendre. Hein. Ouais. Donc qu'on s'organise tous, qu'on se sente tous bien. Et que les énergies se rencontrent, quoi. Mais je pense que c'est plus une nécessité qu'autre chose aujourd'hui que s'organiser d'un point de vue européen ou international en tout cas, avec le mouvement Black Lives Matter et donc voilà la question des violences policières. Malheureusement, je crois va prendre plus d'ampleur ces prochaines années, plus de visibilité, quoi. Et tiens, après on arrête, mais j'ai entendu qu'il y avait eu le procès de la petite Maouda et que c'est reporté. C'est ça? Non, c'est pas du tout. Il y a eu la première audience qui était qu'on fixe la date du procès, en fait. Et ah, ça, c'était pas là, là où... Ça a été reporté il y a 2 mois, là, mais ça, on va dire, on a tourné la page. Donc, la dernière information, le dernier fait, c'est qu'on s'est rendu au palais de justice à Mons. Je vais pas dire la date parce que je l'ai plus en mémoire. Et ce jour-là a été donnée la date du procès. Qui est le... Ça faut... Ouais, j'ai lu, je crois que c'est 2 mois plus tard, là maintenant, à partir de maintenant, dans les mois qui... Ou bien j'invente. Ouais, non, c'est à la rentrée, hein, bien sûr, mais... Entre septembre et octobre, mais... Et donc ça prend le temps, ça discutaille, il faut tenir bon en même temps là-dedans, hein. C'est fou, quoi, tout ça. Moi, j'aime bien répéter ce que... Je suis un militant aussi sur la question palestinienne de longue date. Il y a 20 ans, donc les Palestiniens ou certains Palestiniens m'ont dit qu'il fallait s'entraîner à faire du marathon et pas des sprints. Qu'ils avaient besoin de marathoniens et pas de sprinteurs. Ouais, donc je le comprends là aujourd'hui que... Faut être des marathoniens dans les militants, pas des sprinteurs, ça s'épuise. C'est clair. Donc j'ai appris à ne plus faire des sprints, mais être un peu plus, faire de la longue distance. Tenir sur la durée, quoi. Obligé, minimum 10 ans. Pour une affaire de violence policière, si on veut soutenir une famille sérieusement, on peut le faire, hein, pour quelques semaines, quelques mois. Mais si on veut le faire et se dire, et regarder les parents dans les yeux ou le frère dans les yeux et lui dire je serai là jusqu'à la fin, faut se dire, si je fais ça, c'est 10 ans. Sinon, on peut soutenir ponctuellement, par à-coup, quand il y a des événements. Mais si quelqu'un veut vraiment suivre et soutenir une famille ou les familles elles-mêmes qui portent plainte, c'est 10 ans de combat judiciaire, sans parler des frais. Bon, Nordine, on conclut sur quoi ? Ou bien on conclut pas ? C'est quoi les... Ou bien t'as dit ce que t'avais à dire, hein ? Tenir sur du long, quoi. Tenir sur du long. Et dire que le procès Maouda, on va dire, ou plutôt l'affaire Maouda, le procès est fixé au 23 et 24 novembre 2020. Voilà. Donc c'est de rentrée-ci, quoi. Et c'est à Mons, c'est le 23 et le 24 novembre. Ça serait bien qu'on soit présent à plusieurs, en tournante, à d'y passer. En tout cas, si la mort d'une petite fille vous a indigné, ce que je suis persuadé, hein, ça a indigné tout le monde sur le moment. Un petit peu après, il y a eu beaucoup aussi de mobilisation, on était beaucoup à l'enterrement. Donc, si le 23-24 novembre, on peut passer le matin au palais de justice de Mons, montrer qu'on n'accepte pas qu'on puisse tirer et tuer une enfant comme ça sans qu'il y ait une justice, ça serait bien que beaucoup de gens y passent, quoi. Mais tiens, sur la mort d'Adil aussi, il y a une suite. Il y a... Sur la mort d'Adil. Il y a enquête, il y a... La mort d'Adil, je pense qu'ils sont toujours en devoir d'enquête, là, comme ils appellent. Et j'ai entendu que pour l'affaire de Mehdi, justement, l'enquête était finie. Donc, il faut suivre les procès. Ça aussi, hein, c'est... Ce serait bien qu'on entende parler plus, tu vois. C'est ça que je voulais dire, si les familles... m'entendre, entendre ce que je dis, ça serait bien de populariser, de rendre public les dates de procès et d'inviter à ce qu'on soit le maximum devant le palais de justice et que chaque famille soutienne chaque autre famille et que chaque militant se retrouve ou donne du temps pour assister au procès. Parce qu'il y a de fortes chances que ça ne soit pas forcément des décisions qui font qu'on sautera de joie en se disant un petit peu de justice a été rendue. Donc il y a de fortes probabilités que les familles fassent appel. Et donc la mobilisation, il faut qu'elle soit présente dès le départ et pas après une décision de justice qui nous scandalisera. Donc il y a du boulot pour... ceux qui veulent soutenir les familles de victimes des violences policières pour les mois et les années à venir, c'est ce qu'il y a à faire. Aussi un message peut-être un peu plus personnel et qui sort, c'est que nous, les militants, on arrête d'occuper le terrain. Qu'on suive les familles, mais qu'on arrête un petit peu de prendre la place... Essaye d'être plus... Qu'est-ce que tu veux dire ? C'est pas... Prendre le terrain, tu veux dire quoi ? Ben, qu'on se rende plus disponible auprès des familles. Si je parle de s'organiser au niveau européen, il faudrait qu'on soit capable de s'organiser déjà ici, avec les familles ici à Bruxelles. Et nous, les militants, moi, j'ai mes points de vue sur les questions de violence policière, mais c'est pas ça qui influence les familles. Donc, ce que moi je pense de la police, c'est une chose, et accompagner les familles dans le combat qu'elles mènent, c'est une autre. Donc, c'est nous rendre disponibles à leur service et pas leur mettre des conditions ou les amener sur des terrains qui ne sont pas forcément les leurs. Donc c'est un appel à ce que on s'organise collectivement pour au moins les procès, quoi. Merci à toi, Nordine. Merci à toi et à une prochaine.